Section 36 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e. Section 36. L'adoré, par René Mézeroy. Octobre 1885. L'autre jour, les hirondelles sont parties. C'était joli comme l'aquarelle d'un écran japonais. Sur les branches jaunies des arbres, sur la grille que les vignes vierges couvrent d'une draperie écarlate, sur les corniches sculptées et les gouttières du toit, elles se pressaient, s'appelaient, voltaient avec des cris aigus. C'était à perte de vue une ligne frissonnante de points noirs qui brusquement s'éparpille à travers le ciel brumeux. Puis, elles se sont enfouies à la tombée du soir, droit devant elles, comme attirées par d'invisibles soleils. Et Marthe, la figure collée contre les vitres, les regardait avec de mauvais yeux fixes, tambourinait de ses doigts, raidit une marche incohérente, semblait envier le sort aventureux de ces errantes qui se sauvaient. Puis, se retournant, d'une voix brève, comme on jette un ordre à un domestique, elle s'est écriée « Je pense que vous ne comptez pas me faire passer l'hiver dans ce trou. » Elle écrit du matin au soir dans sa chambre et donne elle-même les lettres au facteur. Qu'a-t-elle donc de si intéressant, de si personnel à raconter à ses amis? Quels sont leurs projets? Pourquoi Marthe semble-t-elle se cacher comme lorsqu'on commet une faute? Je ne suis donc pas guérie, je redeviens jaloux, et je n'ose pas l'interroger. Qui sait, en son état de nerf, où nous mènerait une question maladroite? Mais à qui peut-elle écrire avec une pareille assiduité? J'ai arrêté le facteur au bout de la grande allée, et, père le queue, ma femme a-t-elle pensé à vous remettre mon courrier? Dame, monsieur le comte, je pouvions pas vous dire. Il est peut-être ben dans le tas. » Et il a fouillé aussitôt dans sa sacoche de cuir, m'a tendu une à une les lettres de Marthe. La première était adressée à Lady Wismore, les trois autres à sa cousine Colette, à Madame de Gardeval et à Caro. Quel cas subtil de conscience lui soumet-elle? Le facteur attendait les deux mains appuyées sur son bâton de houx et l'air un peu narquois d'un paysan madré qui ne croit que ce qu'il veut croire. Je lui ai rendu les lettres et je me suis enfoncée dans le parc où des corbeaux croassaient par centaines. Hélas, je suis aussi malade qu'avant et Marthe veut retourner à Paris. Fin de la section 36, enregistrée par Margot.